Numéro 12. Quelques contraires. 反対語. Quelqu'un. 誰か. Personne. 誰も. Tout le monde. みんな. Quelque chose. 何か. Rien. 何も. Tout. 全部. Toujours. いつも. Jamais. 全然. Souvent. よく. De temps en temps. 時々. Maintenant. 今. Avant. 前. Après. Attends.